cage avant de reprendre le large. En lieu et place du massacre, on ne laisse aucune trace. Viens avec nous déconstruire, choisir toi-même ce qui t'enchaîne. Ouais, on t'offre ce salut, attiré par grand fond en attendant le grand soir. Regarde au loin, flotte les drapeaux noirs. Nous sommes farouches. Nous sommes farouches. Sans autorisation. Sans autorisation. Sans autorisation. C'est l'étiquette que l'on porte malgré nous. Les concepts qui nous collent pour nous définir nous. Refuser l'étiquette que l'on porte malgré nous. Les concepts qui nous collent pour nous définir nous. Refuser l'étiquette que l'on porte malgré nous. Les concepts qui nous collent pour nous définir nous. Face à nous il y a nous comme une norme menaçante. Indispensable, on se convoite indivisible, on se rejette. Véritable point de départ par lequel on est tous. Définit chaque détail, singulier, pluriel. Désobéir, respecter, se contredit, on se protège. En collectif on s'oblige, on aiguise notre capacité à penser. On transgresse, on inverse, se frayer un chemin dans la partie adverse. Ça servir un peu plus, l'absolue liberté. On se conjugue en commun sur un mode autonome. Dans un cours ordinaire, pour tenter les extras, on se réserve. Au-delà de la limite, hors de toutes leurs emprises. On se tient à distance des logiques, des enjeux. Du regard qui nous scrute, analyse et structure. On se protège notre espace. Sans autorisation. Sans autorisation. Sans autorisation. Sans autorisation. Refuser l'étiquette que l'on porte malgré nous. Les concepts qui nous collent pour nous définir nous. Refuser l'étiquette que l'on porte malgré nous. Les concepts qui nous collent pour nous définir nous. Refuser l'étiquette que l'on porte malgré nous. Les concepts qui nous collent pour nous définir nous. Sans autorisation. Refuser l'étiquette que l'on porte malgré nous. Sans autorisation. Les concepts qui nous collent pour nous définir nous. Sans autorisation. Refuser l'étiquette que l'on porte malgré nous. Sans autorisation. Les concepts qui nous collent pour nous définir nous. Ha! Sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation, sans autorisation. Construire un petit bout de notre avenir. On rejoue les mêmes thèmes comme on aime, on se déteste.